Chapitre 37e. Quelques peluches aux yeux bien ouverts. L'instant était terriblement émouvant et presque solennel. C'était un petit matin gris. Lutyeul se tenait avec Maître Vérel devant ce qui ressemblait à une porte coulissante de garage. En fait, c'était un box de taille très modeste qui contenait les vestiges d'une vie éphémère résumée en une petite dizaine de cartons. Lutyeul put contempler quelques peluches aux yeux bien ouverts qui ne verraient pas la lumière avant quelque temps. Le cœur de Lutyeul se vrilla. Il n'avait pas imaginé un instant que cela puisse être si pénible. « Vous lui aviez loué un meublé ?» demanda Dutilleul à Maître Vérel. « Oui, c'était plus simple. » Les deux hommes parlaient à voix basse comme s'ils se trouvaient dans une église. Dutilleul reprit son inspection. Marion Chardin n'avait pas possédé beaucoup d'effets, mais ceux-ci étaient de bonne qualité. En inspectant le contenu des cartons, il pouvait voir qu'elle aimait lire et que ses goûts étaient déjà bien définis. La plupart étaient des livres de science-fiction. Beaucoup d'auteurs américains, parfaitement inconnus de Dutilleul. Il y avait également quelques classiques, Maupassant, Balzac. Une belle édition des œuvres complètes de Molière. Il y avait aussi pléthore de CD, mais là encore, Dutilleul était complètement perdu. Il aperçut toutefois un concerto de Vivaldi. Dutilleul éprouvait une sensation aussi étrange que désagréable. Il avait l'impression d'être un voyeur. Un pilleur de sanctuaire. Maître Vérel se tenait sur le seuil, comme s'il lui était tout simplement impossible de faire un pas de plus. La lumière blafarde du néon n'arrangeait rien. Dutilleul évitait de regarder les peluches qui semblaient attendre des réponses de sa part. Il avait furieusement envie de fuir, mais il savait qu'il n'en avait pas le droit. Dans un coin, il trouva un livre scolaire et, pour la première fois, il vit l'écriture de Marion. Il pouvait encore sentir toute l'application qu'elle avait mise à écrire son nom. Il ouvrit le carnet, qui était encore recouvert de sa couverture en plastique, et il se retrouva devant une fillette d'une dizaine d'années. La photo était sans doute une de celles faites par l'école. Machinalement, Dutilleul jeta un regard sur la date, septembre 1997. Il lut quelques annotations de professeurs. Marion était généralement considérée comme sage et studieuse. Sur la photo, elle avait un sourire franc qui découvrait des dents bien plantées. Dutilleul reposa le carnet à sa place et continua son funeste inventaire. Un joli masque vénitien, un éventail. Il trouva même un flacon de parfum vide. Un autre carton contenait des livres de cours qui avaient dû être longuement compulsés. Il en ouvrit un au hasard et s'amusa de le voir surligné à de nombreuses reprises. Peu, voire pas de correspondance. Une carte d'anniversaire qui comportait de nombreuses signatures. Tout au fond du box, il trouva enfin ce qu'il cherchait et comprit instantanément la colère de Maître Vérel. La télé était immense, indécente, presque anachronique. Elle n'était absolument pas adaptée à ce qu'il devinait être les besoins de Marion. L'ancienne, de taille plus modeste, suffisait amplement. Maître Vérel avait raison. Marion seule n'aurait eu aucune raison d'acheter un tel appareil. Dutilleul fit signe au TIC d'extraire la télé avec le plus de soin possible. Avant de pénétrer dans le box, il avait bien pris soin de revêtir une combinaison qui lui donnait une allure des plus martiennes. Il se demanda soudain si Marion aurait été amusée par la situation. Sans doute. Il jura intérieurement aux peluches présentes de retrouver le meurtrier de la jeune fille, tout en ordonnant au TIC de faire le moindre dérangement possible. Il avait hâte à présent de refermer le box, de quitter cette ambiance si pesante. Il se sentait si impuissant. L'endroit lui hurlait la réelle dimension du crime, tous ses effets à jamais abandonnés, ses peluches ensevelies vivantes. Soudain, tout cela lui fut insupportable. Il ressentait plus que jamais l'urgence à trouver. À cet instant même, il n'avait plus aucun souci de procédure. Que lui avait dit Henri Castex? Qu'il fallait nettoyer les écuries d'Augias. Il allait y employer toutes ses forces, mobiliser toutes ses ressources. Il n'était pas d'une nature vindicative, mais il ne connaîtrait pas de repos tant que l'assassin de Marion Chardy ne serait pas sous les verrous. Maître Vérel n'était pas plus à la fête que lui. Il fumait cigarette sur cigarette pour se donner une contenance. L'endroit était aussi froid qu'anonyme. Triste fin pour les effets d'une jeune fille qui n'avait jamais fait de mal à personne. Du Tilleul reprit alors apparence humaine en retirant sa combinaison. Il s'aperçut qu'il tremblait un peu. Maître Bérel avait posé les clés du box sur une cagette retournée, comme s'il ne pouvait supporter leur contact. L'air était un peu humide et le lieu sentait vaguement le moisi. Du Tilleul alluma une cigarette à son tour, pendant que les TIC continuaient à s'affairer autour de la télé. Du Tilleul pouvait voir les flashs crépiter. Celle-ci fut prise sous toutes les coutures avant d'être soigneusement emballée. Du Tilleul pria de toutes ses forces pour que l'appareil lui fournisse enfin une piste de recherche, une trace sur laquelle il pourrait enfin s'appuyer. Il lui fallait absolument garder espoir. « Reste allongé, mon Tilleul. Tu es tout noué. » Mado était inquiète. Son Tilleul était bien sombre. Jamais encore elle ne l'avait vu si désespéré, si démuni. Elle le sentait si loin, si seul. Du Tilleul était allongé sur le dos, les yeux dans le vague, le drap remonté jusqu'à la moitié du torse. En d'autres circonstances, Mado se serait amusée à lui agacer les tétons. Mais là, elle savait que ce n'était vraiment pas le moment. Le silence ambiant lui faisait d'autant plus mal qu'elle le savait toxique. Il n'y avait qu'une chose à faire, se coucher sur le drap à côté de Tilleul, attendre et s'apprêter à écouter si celui-ci avait le désir de s'épancher. Du Tilleul étendit son bras droit et en serra Mado. Plus que jamais, il avait besoin de sa chaleur, de son optimisme, de sa présence. Il revivait sans cesse la visite du box. Chaque séquence était imprimée dans sa mémoire. Il ne pensait pas que des objets pourtant si anodins puissent faire si mal. Les peluches étaient sans doute le pire, car Marion avait dû les choisir avec soin au fil des années. Il voyait leurs yeux écarquillés, comme encore sous le choc de ce qui s'était produit. Il aurait tellement voulu qu'elle lui parle. Elles avaient été le témoin muet de l'agression et avaient pleinement eu le temps de détailler le meurtrier. À un moment, il s'était surpris à vouloir les fouiller toutes, dans l'espoir fou de trouver une caméra dissimulée dans les plis de l'une des fourrures bigarrées. Depuis combien de temps accompagnait-elle Marion dans son existence déracinée? Celle-ci avait dû leur confier tous ses secrets, ses chagrins. Avait-elle souffert d'être orpheline si jeune? Quel bras l'avait consolée, rassurée? Du Tilleul espérait que cela ne s'était pas limité à Malik Boucharif et à ses intentions non dénuées d'intérêt. Un lapin aux grandes oreilles avait dû être son doudou. Il accusait de nombreux lavages. Du Tilleul imaginait Marion le traînant partout avec elle, déambulant dans les couloirs de la pension sous les galabres, le pouce bien enfoncé dans la bouche. Une main se tendait soudain vers elle, et Marion se laissait gentiment reconduire, le regard un peu rêveur. Du Tilleul avait souvent ce genre de flash dans ses enquêtes. Le grand con n'aurait pas manqué de lui asséner qu'il ne devait pas se laisser affecter, au risque de se perdre à son tour. Il devait reconnaître qu'il avait raison. Mais jusqu'à présent, il ne parvenait pas à rester parfaitement hermétique. Étanche aux événements, comme y réussissait toujours si admirablement son géniteur. Juste revers de la médaille, celui-ci n'avait pas compris que cette même attitude l'avait fait passer à côté de sa vie personnelle. Ainsi, il n'avait jamais rien partagé avec ce fils unique si encombrant, dont il ne savait que faire, cet enfant bien trop maigre aux yeux sans lumière. Une fois de plus, penser en cet instant précis au grand con ne lui remonta pas véritablement le moral. Pourquoi celui-ci venait-il toujours le hanter dans les moments où il se sentait le plus vulnérable? Ce soir, il était vraiment une triste compagnie pour Mado, alors même que celle-ci lui offrait pourtant son plus beau silence. « Je crois que je devrais rentrer, » finit-il par dire. « Non, reste. On fera la bête à deux dos un autre jour. » L'expression imagée parvint à dérider un peu du Tilleul. Ah, ces belles jambes dont il n'avait jamais assez. « Je saurai me faire pardonner, » dit-il dans un souffle. Une larme coula, puis deux, puis trois. « Pleure, mon Tilleul, pleure. Je ne sais pas ce que tu as fait, et je crois bien que je ne veux vraiment pas savoir. Si tu veux, on pourrait partir, s'offrir un week-end au chalet. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Tu sais, je peux me libérer. Mado, non, s'il te plaît. En tout cas, tu peux être sûr que je vais en toucher deux mots à Henri. Ah non ! Il va encore m'enguirlander. Je n'y tiens pas trop. Il a repris du poil de la bête, l'animal. Henri t'a passé un savon ? Dit Mado avec intérêt. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que tu avais fait ? J'ai oublié de respecter les précautions élémentaires. Ne me dis pas que t'as mis une fille enceinte. Si en plus elle est mineure. Tilleul, je pense avoir les idées larges, mais là, je te croyais plus averti. Arrête de badiner. Je sais que tu veux m'aider, mais ce soir... Mado décida d'ignorer la supplique. Cette fois, elle le sentait, c'était grave, et elle devait poursuivre. Pourquoi Henri t'a-t-il engueulé ? Je te l'ai dit. J'ai oublié de respecter les précautions élémentaires, c'est-à-dire de me protéger. Je suis arrivé bien en tête et j'en ai pris plein la figure. Tilleul, Henri a raison, tu es insupportable. Tu joues à quoi ? Tu cherches quoi ? Si seulement je le savais. Je nage en plein brouillard. Henri m'a invité à me ressaisir et je sais qu'il a raison, seulement... Seulement ? Seulement, c'est tout simplement impossible. Si tu avais vu ce que j'ai vu aujourd'hui. Le pire est que ce n'était même pas une scène de crime. De simples vestiges d'une vie entassés dans un box, des pluches, de simples pluches remplies de questions muettes auxquelles je ne savais pas répondre alors que je le désire tant. Tu trouveras, Tial, tu trouves toujours. Donne-toi simplement le temps. Je ne peux pas, Mado. Je ne peux tout simplement pas. J'ai l'impression que du temps je n'en ai pas. Cette enquête m'échappe et je ne sais pas pourquoi. Que t'a conseillé Henri ? Non, continua pas moins Mado. D'aller fouiller dans une direction qui ne me plaît qu'à moitié. Retourner à une certaine source. Pourquoi ne parviens-tu pas à t'y résoudre ? Parce que j'ai l'impression de commettre un outrage, une faute inacceptable. Vois-tu, Mado ? J'essaie autant que possible de ne pas tomber dans les clichés. Je me méfie des évidences, des dossiers trop vite soldés. Je me fiche d'avoir des statistiques flatteuses. J'essaie simplement de faire mon boulot proprement. Maintenant, calme-toi. Tu n'as rien à expliquer. Je vais te chercher une tisane et ensuite tu vas t'endormir gentiment. Ne me laisse pas, dit du Tilleul d'une voix misérable. J'en ai pour un instant. L'eau est chaude. Mado tint parole et revint presque immédiatement avec un plateau sur lequel était posée une grosse tasse, un verre d'eau et un comprimé. Elle posa délicatement le plateau sur la table de chevet. Ça d'abord, dit Mado en poussant du doigt un innocent cachet de couleur craie. Qu'est-ce que c'est ? T'occupe. Ça va te faire voir des éléphants roses ou les belles jambes des filles du Crazy Horse. C'est selon ton envie. Si tu t'ennuies, tu pourras toujours compter. Dutilleul avala docilement le cachet et but un peu d'eau. Il se sentait banné, vidé, essoré comme une serpillière. La tisane sucrée à la mélisse lui fit un bien infini. Il sombra dans le sommeil peu après. Une fois son tilleul endormi, Mado saisit un téléphone sans fil et composa un certain numéro. Elle s'étonna de le connaître encore par cœur. Elle fut heureuse de tomber sur la personne à qui elle devait absolument parler. « Bonsoir, Henri, c'est Mado. »« Mado, quel plaisir !» Mado n'en reprit pas moins, têtu. « Si l'on pouvait abréger les politesses, il faut que je te cause. »« Dis donc, tu me l'as mis sacrément à l'envers, mon tilleul. » Henri Castex demeura très calme. « Tu sais, Mado, il n'a pas besoin de moi pour s'y mettre tout seul. Je lui en ai fait le reproche il n'y a pas 3 jours. C'est ce que j'ai appris. Où est-il ? À l'appartement ? Non, ici, dans mon lit. Je lui fais prendre un bon somnifère. Tu as bien fait, merci. Je suis inquiète, Henri. Ça ne lui ressemble pas de craquer si tôt. Bon, c'est peut-être mieux ainsi. La pression devenait trop forte et, comme il est un fichu de se ménager, surveille-le bien, surtout. Si demain tu ne vois pas de changement, tu le retiens. J'enverrai Michonnier. Tu pourrais le garder quelques jours au besoin ? Bien sûr. Mais je pense surtout qu'un changement d'air serait le bienvenu. Je n'aime pas le voir s'épuiser ainsi, car ensuite je le ramasse à la petite cuillère. J'ai beau en avoir des tas, je préférais vraiment faire autre chose. Ça, je m'en doute. Je n'ai pas envie de rire, Henri. Ce soir vraiment, il m'a fichu les copeaux. Il m'a parlé de pluches qui posaient des questions muettes. Un instant, j'ai cru qu'il déraillait complètement. « Couillon de couillon !» s'exclama alors Castex. « J'aurais dû m'en douter, il n'a pas pu attendre. Il a fallu qu'il y aille tout de suite. Je lui avais pourtant dit de se reposer. Je sentais bien qu'il n'était pas prêt. De quoi parles-tu ? Aujourd'hui, il est allé inspecter ce qu'il reste des affaires de la petite Chardy. Ce n'est pas la gosse qui s'est fait salement poignarder il y a environ un an de ça ? Si, hélas. On en a parlé avec les copines. Moche, très moche. Tu sais, Mado, je peux mettre Titi sur une autre enquête. Ne lui fais pas ça, Henri. Tu me l'amocheras encore davantage. Tu vas le laisser gentiment terminer. De toute façon, tu sais comme moi qu'il sera impossible de le tenir tranquille, tant qu'il n'aura pas appris le fin mot de l'histoire. Seulement après, tu me le confies pour une révision complète. Mado, tu ne crois pas qu'il pourrait faire une connerie ? Rassure-toi, ce n'est pas le genre de la maison. En revanche, il pourrait se refermer sur lui-même. Et je me demande si au final, ça ne serait pas pire. Tu sais, Henri, j'y tiens à mon tilleul, et pas seulement pour ses prouesses au niveau du matelas. C'est un mec vraiment chouette. Du moins quand il ne se fait pas encore plus triste qu'un tas de pierres. Je sais, Mado. Merci de m'avoir informé. Je serai en alerte.